m'empêcher de dormir. Comment pourrais-je alors réfléchir si l'on peut réfléchir alors? Comment écrire même si l'écrivain s'en va, le compteur le suit, puis l'enfant aussi. Ses parents veulent dormir. Si l'enfant se tire alors, comment grandir, comment tâcher de garder le sourire? Si l'enfant meurt, le goût adulte devient amer à tout jamais. Le goût se perd, si le goût se perd, l'aigreur se montre et le bonheur, lui, enfin, s'endort. Si le bonheur veut s'enfuir, comment agir, exprimer mes désirs? Comment m'accomplir, ces sauts, mes souvenirs, ils se tairent sourd au cri de mes désirs. Mais si le désir s'éteint, le cerveau lui le suit, la flamme de la vie elle aussi veut dormir. Si l'on m'empêche de dormir, comment pourrais-je me souvenir de mes rêves sans les finir? De sommeil ou de mort verse mes nuits, je ne saurais vous le dire. Mais si le loup s'installe, espoir distal, la peur qu'il a dormi, et l'ambition s'enfuir aussi. Comme je me laisse aplatir alors, autant rebondir. Et comme j'ai le choix, je le comprends, quitte à le faire bêtement, quand même agir. Mais si je n'ai pu y réfléchir, pourrais-je un jour y revenir?